Et si, derrière la mondialisation, se dissimulait la synarchie? Je ne plaisante pas. Il existe encore aujourd'hui des gens qui pensent que les apôtres du libre-échangisme absolu sont manipulés par une mystérieuse organisation internationale où l'on retrouverait les grands décideurs de notre planète et les représentants des trusts les plus importants. Bref, des synarques agissant dans le secret le plus total, tirant les ficelles des gouvernements et dont les citoyens ne seraient que les jouets. Pour les plus jeunes des auditeurs, ce mot « synarchie » ne doit rien dire. Et pourtant, la synarchie, mythe ou réalité, a jalonné une partie de notre histoire contemporaine. Par exemple, de la défaite de 1940 aux circonstances du retour du général de Gaulle en 1958. Il était donc tentant de demander à M. X, lui qui se fait fort de dévoiler l'envers de la vérité historique, si la synarchie existait vraiment et si, dans le passé, elle avait réellement joué un rôle. La question est d'autant plus d'actualité que la complotite est un fantasme partagé par un nombre grandissant de personnes. Aux États-Unis, par exemple, où certains ne sont pas loin de croire à la réalité des faits évoqués par une série comme X-Files. Mais en France aussi, si l'on en juge par l'étonnant et troublant succès du livre de Thierry Messant sur les événements du 11 septembre. Alors, le combat anti-mondialisation mené par José Bové et ses amis est-il un combat contre la synarchie? La réponse dans un instant avec Monsieur X. Un dernier mot avant de l'écouter. Synarchie signifie, si j'en crois le dictionnaire, gouvernement de quelques-uns ou de quelques groupes. Ben, je vous préviens tout de suite, je ne refuse pas d'évoquer le sujet de la synarchie, mais ça va nous mener loin. Ben, prenons le temps qu'il faut. Et d'abord, là, vous y croyez-vous à l'existence de la synarchie? Bon, écoutez, n'allons pas trop vite et ne mettons pas, s'il vous plaît, la charrue avant les bœufs. Ben, vous ne voulez pas répondre? Non, je ne me déroberai pas, je vous le promets, mais pour bien comprendre, il faut remonter dans le temps. Jusqu'où? La fin du 19e, ah, pas trop loin. Quand même. Une question avant. Est-ce que vous disposez d'informations inédites sur la synarchie? Je vous répondrai simplement que les services secrets, enfin tous les services secrets, se sont intéressés à la synarchie. Donc elle existe? Je n'ai pas dit ça. Ah, mais vous laissez entendre, hein? Encore une fois, vous voulez aller trop vite. D'accord, alors, allons à votre train. Et remontons à la fin du 19e siècle. C'est un curieux personnage qui a inventé la synarchie. Un Français, le marquis Saint-Yves d'Alvèdre. Un vrai marquis? C'est le Saint-Siège qui lui a décerné ce titre. Le pape, donc. Oui, et c'est d'autant plus étonnant que les théories de Saint-Yves étaient loin d'être catholiques, si je puis dire. Un mot sur le personnage d'abord, non? Saint-Yves était le fils d'un médecin aliéniste. Il a eu une enfance assez perturbée et ses parents l'ont confié à un mystique qui avait fondé une maison d'éducation spécialisée, une sorte de couvent. Incontestablement, ça l'a marqué. Ouais, il est lui-même devenu mystique. Passionné d'ésotérisme, plutôt. Saint-Yves, qui a fréquenté tout ce qui comptait dans ce domaine très à la mode dans cette seconde moitié du 19e siècle, s'est rapidement persuadé qu'il appartenait à la caste des grands initiés. Un peu fumeux, tout ça. C'est évident. On y trouve dans ses écrits le fatras habituel, occultisme, alchimie, ordre de Templiers, loge paramaçonnique, etc. Quoi qu'il en soit, Saint-Yves, modeste rond de cuir au ministère de l'Intérieur, fait la rencontre d'une comtesse russe proche de la famille du tsar et l'épouse. La fortune de sa femme lui permet de se livrer en toute tranquillité à ses élucubrations politico-ésotéristes, qu'il épice d'ailleurs de quelques analyses scientifiques ou historiques. Et ça aboutit à quoi tout ça? Saint-Yves publie plusieurs ouvrages sur ce qu'il appelle la synarchie, c'est-à-dire un pacte de gouvernement harmonieux entre les trois grands pouvoirs, l'économique, la politique et le religieux. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je serais bien en peine de pénétrer la pensée ténébreuse de cet occultiste. Mmh. Est-ce qu'il constitue, comment dire, une sorte de société secrète autour de lui? Je vous l'ai dit, la mode est à l'ésotérisme et des disciples séduits par ces théories qui prétendent expliquer toute l'histoire du monde le rejoignent. Des disciples qui se brouilleront naturellement après en se disputant l'héritage. On trouvera parmi eux des gens comme Papus ou Guénon. Ces noms diront certainement quelque chose à vos auditeurs qui s'intéressent à ce genre de questions. Ouais. En tout cas, vous ne semblez pas prendre tout ça très au sérieux. Vous avez raison, songez que Saint-Yves, qui affirmait d'être en contact avec des maîtres hindous, croyait en l'existence d'un lieu sacré, secret et souterrain, situé quelque part en Asie centrale. Il appelait ça l'Agartha. Seuls les initiés pouvaient y avoir accès. Et c'est de cet agartha que les initiés régulaient les sociétés humaines. Ouais, effectivement. Enfin, ne riez pas trop. Après tout, parmi les premiers propagandistes de ce qui allait devenir le nazisme, il y avait aussi des illuminés qui croyaient à ce genre de sornette. Oui, c'était la société de Thulé. Et la légende des hyperboréens et des supérieurs inconnus chargés de guider les Ariens. Et dans les années 60, en publiant leur fameux Matin des magiciens, Bergier et Powell se perpétueront ces croyances en y ajoutant seulement un zeste de présence d'extraterrestres. Enfin, passons. Ouais, je pense que c'est préférable. Toutefois, il faut retenir des travaux du marquis d'Alvèdre l'idée qu'il existerait sur Terre une sorte d'organisation secrète plus puissante que les rois, les présidents et même les papes. La conjuration permanente, en somme. C'est ça. Et cette idée va ressurgir opportunément à chaque fois qu'on en aura politiquement besoin. Car si vous y réfléchissez bien, c'est très pratique. Avec la synarchie, on dispose là en permanence d'un bouc émissaire qui peut justifier les erreurs, les compromissions ou atténuer les responsabilités lorsqu'il y a lieu. C'est la faute de la synarchie. Exactement. Alors, en France, quand commence-t-on à accuser la synarchie? Le mot apparaît avec l'aventure de la cagoule. C'est-à-dire pendant la période du Front Populaire. Oui, la cagoule, vous savez ce que c'est. Oui, c'est un complot contre la République. C'est ça, la cagoule, c'était un surnom donné par les journalistes. Son vrai nom, c'était le CSAR, Comité Secret d'Action Révolutionnaire. Mmh. Et ces activistes d'extrême droite, monarchistes ou fascistes, ont bien failli, quoi qu'on en ait dit, réussir leur mauvais coup. Ils étaient organisés, puissamment armés, disposaient de complicité au plus haut niveau de l'armée. Mmh. On a même dit que Pétain en était. Hein? Le maréchal était parfaitement informé des projets de la cagoule. D'ailleurs, dans son entourage immédiat, il y avait de nombreux cagoulards. Et Pétain n'ignorait pas que l'objectif final de ces conspirateurs, c'était de le porter au pouvoir. Ouais, ce qui arrivera au terme de la défaite de 40. Et ça me conforte dans ma conviction que Pétain n'est pas arrivé par hasard à la tête de l'État français. Mais nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens parfaitement. J'ajoute que les cagoulards bénéficiaient de la sympathie et du soutien des fascistes italiens, et peut-être même de l'Allemagne nazie, ça ne vous étonnera pas. Mais quel est le lien entre la synarchie et la cagoule, alors? On prétend alors, quand on découvre l'ampleur du complot, que la cagoule n'est que le bras armé d'une organisation clandestine qui s'appelle la synarchie. Quel genre d'organisation? Cette synarchie n'a plus rien à voir avec le pacte synarchiste prôné par Saint-Yves. Il s'agirait d'un mouvement secret qui rassemblerait des technocrates et des industriels désireux de mettre en place un gouvernement des élites. Ouais. Vous employez le conditionnel, hein? Naturellement, car on n'a pas fourni la moindre preuve de l'existence de cette synarchie. Je viens, mais pour propager cette idée, il fait quand même bien s'appuyer sur quelque chose, des indices. C'est certain. D'abord, derrière la cagoule, il y avait de grands industriels et banquiers qui finançaient largement les comploteurs. Par exemple ? Eugène Schuller, le créateur de L'Oréal. Ou encore Louis Renault, le maigre du Breuil, patron de Le Sieur, et quelques banquiers très célèbres. Mais enfin, peu importe les noms, c'était la fine fleur du monde des affaires qui subventionnait les cagoulards. Ouais, parce qu'ils voulaient en finir avec le Front Populaire. Et se débarrasser des communistes, évidemment. Les communistes qui, d'ailleurs, s'attaquaient alors bruyamment à ce qu'ils appelaient les 200 familles. Les 200 familles qui possédaient la France. C'est ça. Ouais. Alors de là, imaginez que ces 200 familles avaient conclu une sorte de pacte anti-républicain destiné à instaurer un régime fort, il n'y avait pas loin. Mais il existait aussi autre chose qui pouvait accréditer l'existence de la synarchie. Allez-y, je vous écoute, là. Dans certaines grandes écoles, comme Polytechnique, quelques bons esprits estimaient que leurs compétences les destinaient tout naturellement à diriger le pays. Bref, ils rêvaient d'un gouvernement de techniciens qui transcenderait les clivages politiques traditionnels et en finirait avec la lutte des classes. Oui, mais concrètement, ça se traduisait par quelque chose? Oui, à l'initiative d'un polytechnicien, Jean Coutreau, il avait été créé un cercle de réflexion, X-Crise. Pourquoi ce nom? Enfin, X, je comprends, là. Mais crise. La crise de 29. Les membres de ce cercle discret entendaient mettre en place une économie planifiée pour mettre fin à la crise. Et on a pu penser que ce cercle était en fait à la base de la synarchie, c'est ça? Oui, d'autant que la cagoule, qui aurait donc constitué ses troupes de choc, était dirigée par un autre polytechnicien, Eugène Deloncle. Aussi, la personnalité de Jean Coutreau, tout autant que sa mort mystérieuse en 1941, ont permis à certains de penser que le chef de la synarchie, le numéro 1, était bien cet agitateur d'idées. Nous allons bien sûr revenir longuement avec M. X sur ce personnage, Jean Coutreau, qui aurait peut-être été le chef de la synarchie. Auparavant, revenons sur les rapports entre la cagoule de Gênes Deloncle et cette mystérieuse synarchie. Voici ce que je lis dans un ouvrage de Jean-Raymond Tournoux, « L'histoire secrète », publié chez Plomb en 1962. Le polytechnicien Deloncle n'a jamais rien confié à ce sujet. L'homme le plus proche de Marie, c'était le pseudonyme de Deloncle, dans le Brain Trust de la cagoule, a reçu deux seules confidences de son chef. Maintenant, dit un jour de l'oncle, j'en suis sûr, il existe un cercle, un cénacle gérant des intérêts considérables qui semble avoir les mêmes objectifs que nous en matière d'organisation de l'État et de l'Europe. C'est à la fois une société de pensée et d'intérêts très fermés. Je cherche une ouverture, je veux savoir où ces gens vont. En outre, du point de vue financier, cette alliance peut nous apporter une aide substantielle. À quelque temps de là, Deloncle revint sur le sujet. « Ça va, maintenant, j'ai un contact. » Deloncle s'arrêta sur le bord de la confidence. « Est-ce que ça suffit à accréditer la thèse de l'existence de la synarchie ? Certes, non, mais le propos est troublant. » Facile en personnage, ce Coutreau. Il mérite qu'on s'y attarde quelques instants. Ah ben, je vous en prie. Ce polytechnicien et grand sportif a été grièvement blessé pendant la Grande Guerre. Et il a été amputé d'une jambe. C'est d'ailleurs à l'hôpital qu'il rencontre sa femme, fille d'un industriel du papier. Après-guerre, il prendra la direction des affaires de son beau-père et il va alors se passionner pour l'organisation du travail avant de créer ce cercle de réflexion dont je vous ai parlé. X-Crise. Oui. Ouais. Et politiquement, où se situe-t-il ? Il réfute tout autant le socialisme que le libéralisme, parce que ce sont des idéologies. Coutreau est un humaniste qui entend que le progrès économique et scientifique profite avant tout à l'homme. Ce n'est donc pas un extrémiste comme le sont les Cagoulards. Pas du tout. Et en 1936, il s'enthousiasmera avec ses ouvriers. Même s'il n'est pas socialiste. Oui, c'est curieux, non ? Oui. Et il conseillera très efficacement Spinasse, le ministre de l'économie de Léon Blum. On estime même qu'il est à l'origine de quelques-unes des réformes importantes du gouvernement du Front Populaire. On est effectivement là, très très loin de la cagoule. Certainement. Coutreau est un esprit libre, un original. Un homme d'idées infatigables qui exerce une sorte d'autorité intellectuelle sur un grand nombre de polytechniciens et d'inspecteurs des finances. Ouais, les technocrates de l'époque. Oui, puisque l'ENA n'existait pas encore. Et en 1940, après l'accablement de la défaite, ce patriote rejoint Vichy, où il va retrouver les mêmes technocrates qui vont si profondément influencer le régime. Donc, attendez, après Blum, il va servir Pétain. Coutreau est avant tout désireux d'appliquer ses idées. Et quand Vichy lui offre de participer à la commission ministérielle du plan comptable, il n'hésite pas. Ah, quand même. Oui, mais nombre de gens qui se rangeaient parfois plutôt à gauche ont choisi de rejoindre Vichy, même s'ils n'approuvaient pas la politique de collaboration. C'était aussi pour eux la meilleure façon de lutter contre les Boches, comme les appelaient encore ceux qui avaient connu la guerre de 14-18, quitte ensuite à basculer dans l'autre camp ou à opter pour la politique du pire. Je vous trouve pour une fois là bien indulgent. C'est vrai, peut-être parce que je me suis souvent demandé ce que je serais devenu si je n'avais pas fait très vite, dès la débâcle, le bon choix. Bon, enfin, laissons ça de côté, mes états d'âme, si vous voulez bien. Dommage, pour une fois que vous parlez un tout petit peu de vous, là. Bon, je vous en prie. Ouais, volontiers, en tout cas, dans tout ce que vous m'avez dit sur ce Coutreau, là, enfin, à part le fait qu'il fréquentait de nombreux technocrates, moi je ne vois rien qui pourrait en faire le chef présumé de cette mystérieuse synarchie. C'est juste, mais s'il était réellement le chef d'une organisation secrète, il devait prendre des précautions, faire en sorte que rien dans sa vie publique ne le rende suspect. Moi, je veux bien, mais enfin, vous n'avez pas l'air très convaincu vous-même, hein. Attendez, laissez-moi poursuivre, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah, très bien. À Vichy, très vite, les technocrates s'imposent. Et parfois même contre le cabinet du maréchal. Il y a là des hommes comme Boutillier, le ministre des Finances, ou Jean Bichelonne. Ils n'ont qu'une idée, faire redémarrer les entreprises et moderniser l'appareil de production. Et le régime autoritaire de Vichy leur permet d'aller vite en procédant par décret. Ouais. C'est alors Laval qui dirige le gouvernement, hein ? Oui, Laval qui est entouré d'anciens cagoulards, des personnages tels la Libère, le garde des Sceaux. Ouais, l'homme qui promulguera les lois anti-juives avant même que l'occupant ne le lui demande. C'est exact. Et la plupart de ces cagoulards ne voient pas d'un bon oeil les technocrates prendre une telle influence à Vichy. Très tôt, certains de ces anciens comploteurs dénoncent la mainmise des hauts fonctionnaires sur l'appareil d'État. Et ils font remarquer de façon perverse que beaucoup de ces hommes ont eu des rapports très étroits avec la banque Worms. Ouais, banque juive. Oui, même si son patron et actionnaire principal, Hippolyte Worms, de mère non juive et marié à une arienne, comme on disait à l'époque, ne peut être légalement considéré comme juif. Ouais, enfin, il y a le nom. Pour Worms, les antisémites, ouais. Il demeure le juif Worms. En outre, il a été notoirement anglophile. Mais enfin, ça nous en parlons plus tard, car la banque Worms, qui fera par ailleurs d'excellentes affaires pendant la période de l'occupation, va de plus en plus cristalliser les haines des cagoulards. Mais ce qui complique encore un peu plus les choses, c'est que ces conjurés d'avant-guerre ne sont pas d'accord entre eux. Expliquez plus précisément. Bon, alors en gros, mais sans trop entrer dans les détails. Bon, disons qu'il y a trois tendances. Certains, même si leur idéologie était proche du pétainisme, ont privilégié le patriotisme. Et ils sont partis à Londres afin de continuer la lutte contre les Allemands. Alors, on a même dit qu'il y avait autour du général de Gaulle un nombre considérable de cagoulards. Bon, là, on a peut-être un peu exagéré. Il y avait des cagoulards, c'est sûr. Et certains sont devenus des héros de la résistance. Mais ils étaient largement minoritaires dans l'entourage du général. Bon. Admettons. Et les autres cagoulards, alors ? Pas majoritairement, ils avaient accepté les conditions honteuses de l'armistice et applaudi à la conquête du pouvoir par le maréchal. Ouais, d'autant plus qu'ils avaient participé. Hein. Juste. Mais assez rapidement, ils se sont séparés en deux clans. Les uns, ceux qui sont restés en zone occupée, et surtout à Paris, choisissent la collaboration la plus totale avec les nazis. Il y a parmi eux leur ancien chef, Eugène Deloncle, et ils sont proches de Pierre Laval. Et les autres, alors ? Ben, ils ont accompagné Pétain à Vichy, et ils sont bien décidés à inspirer le gouvernement et la révolution nationale, et à faire ce qu'ils peuvent pour limiter la collaboration avec l'occupant et redresser le pays. Ouais, c'est la fiction du bouclier, hein, ouais, c'est ça ? Oui, le bouclier Pétain et le glaive de Gaulle. Ouais. Enfin, pour ceux-là qui hantent les couleurs des hôtels de Vichy, où se sont réfugiés les ministres, l'ennemi, c'est d'abord Laval. Oui, il faut persuader Pétain de s'en séparer. Bien sûr. Et un véritable complot se prépare contre Laval. Il aboutira à la fin du mois de décembre 1940. Laval est interpellé et assigné à résidence dans son château. Ça veut dire que les cagoulards de Vichy ont donc gagné. Contre ceux de Paris, oui. Mais ils vont bientôt être floués. Car l'éviction de Laval et son remplacement par l'amiral Darlan vont avoir comme résultat le renforcement du clan des technocrates au sein du nouveau gouvernement. C'est-à-dire que ces anciens cagoulards, enfin les cagoulards de Vichy, se sont donc débarrassés d'un adversaire pour retrouver un autre sur leur chemin. Oui, c'est à peu près ça. On voit en effet arriver au pouvoir des gens comme Pierre Pucheux, Jacques Barnot ou encore François Le Hideux, et surtout Gabriel Leroy-Ladurie. Autant de jeunes capitaines d'industrie ou de techniciens qui ont tous pour caractéristique d'avoir travaillé directement ou indirectement avec la banque Bombs. C'est fait en effet beaucoup. Et c'est si évident que le directeur de cabinet de Pétain se serait écrié lorsque Darlan lui a présenté la liste de ses ministres. Mais vous nous amenez toute la banque Worms. Comment réagissent les cagoulards, hein? Bah, ils crient au charron, naturellement. Ceux de Paris, mais aussi ceux de Vichy. Et ils ne vont pas avoir de cesse d'essayer de se débarrasser de ce clan Worms dont l'arrivée au pouvoir symbolise la mainmise des trusts et des puissances d'argent sur le gouvernement. Et ils suscitent une violente campagne de presse contre la banque juive. Mais d'accord, mais est-ce que ça suffit? Non. Alors à Vichy, certains d'entre eux vont ressusciter l'hydre synarchique. C'est là que nous allons retrouver Jean Coutreau et découvrir l'action souterraine d'un as de la manipulation et du complot, le docteur Félix Martin. Le mystérieux docteur Martin, comme l'a appelé votre confrère Pierre Péan. Je reviens un instant sur la réaction d'Henri Dumoulin de Labarthète, le directeur de cabinet du maréchal Pétain, lorsque l'amiral Darlan lui a présenté la liste de ses ministres. Mais vous nous amenez toute la banque Worms. D'après de nombreux historiens, Darlan aurait répliqué que ses recrues, je cite, « valaient mieux que les puceaux de sacristie qui l'entouraient ». Et l'amiral aurait ajouté « ces types jeunes et dessalés s'entendront avec les Fritz et nous feront bouillir de la bonne marmite ». En tout cas, c'est vrai, l'arrivée de ces ministres proches de la banque Worms provoque un véritable tollé chez les partisans de la collaboration pure et dure. D'autant que la banque, même si elle s'est vue imposer un commissaire allemand, prospère. Ainsi, je peux lire ceci dans l'ouvrage d'Olivier Dard, La synarchie, mythe du complot permanent. La présence d'un commissaire allemand, qui devait être un handicap insurmontable, devient au contraire un atout, car elle a été transformée en système de protection et même en avantage concurrentiel. Comme l'a expliqué Raymond Ménial, membre de l'état-major de la maison Worms pendant la guerre, ses dirigeants ont fait savoir que les capitaux placés chez eux bénéficieraient d'une sorte de protection de l'occupant et qu'au surplus, la banque était un intermédiaire commode s'il y avait des questions à discuter avec les Allemands. Ainsi, le groupe Worms a réussi à sauvegarder son existence, ses intérêts et même à prospérer économiquement. Au surplus, quelques-uns de ses dirigeants ou de ses proches sont à la tête de l'État. Le hasard ne serait point de mise, il y aurait eu complot. Ce complot serait-il celui de la synarchie ? Le docteur Martin, que nous allons retrouver tout au long de l'histoire de la synarchie, est un personnage tout à fait étonnant. Cagoulard ? Naturellement. Il a même été le chef de son service de renseignement. C'est un spécialiste. Toute sa vie, Martin, le Bib, comme on l'appelait. Le Bib, abréviation de tout Bib. Bien sûr. On l'a aussi appelé Mephisto. Enfin, tout un programme. Donc, toute sa vie, il a rédigé des fiches sur tout et tout le monde. J'ajoute qu'il a aussi très souvent collaboré avec mon service secret. L'auriez-vous personnellement connu? Il m'est arrivé de le croiser, enfin, quand il n'était pas en prison. Parce qu'il a été souvent arrêté. Oui, très souvent, oui. Le docteur Martin était un comploteur né, mais malheureusement pour lui et heureusement pour la démocratie, il a toujours échoué. Sauf une fois, en décembre 1940, lorsque, complotant avec ses amis cagoulards, il a réussi à obtenir l'éviction de Pierre Laval. Ouais. Si je vous suis bien, c'était donc un extrémiste de droite, quoi. Il nourrissait un rêve, abattre la gueuse, comme on disait avant-guerre. Ouais, la gueuse de la République, quoi. Oui. Martin était fondamentalement royaliste. C'est assez curieux parce que sa mère et son père étaient tous les deux des descendants de députés révolutionnaires qui avaient voté la mort de Louis XVI. Il est devenu royaliste pour s'opposer à ses parents. C'est probable. Il a d'abord milité à l'Action française. Mais il s'est fâché avec ses dirigeants qu'il trouvait trop mous. Et presque naturellement, il a rejoint les rangs de la cagoule. Ajoutons, mais c'est sans doute superflu, qu'il est farouchement antisémite. Et en 1940, on le retrouve donc à Vichy. Il ne pouvait pas en être autrement. Pétain, en prenant le pouvoir et en liquidant la Troisième République, avait déjà fait une partie du travail. Et il ne désespérait pas de voir un jour le maréchal rétablir la royauté. Ce en quoi il se faisait peut-être des illusions. C'est possible. En tout cas, le docteur Martin est l'un des premiers à s'opposer au gouvernement des technocrates mis en place sous la houlette de l'amiral Darlan. Et il va se livrer à une redoutable opération. Avant d'y venir, là, que fait Martin à Vichy exactement ? Il a constitué autour de lui un véritable réseau d'enseignement. Comme d'habitude. Ouais, et il rassemble des informations sur ses ennemis naturels. Les juifs, les technocrates, les impérialistes anglo-saxons et les sociétés secrètes. Car le Bib est persuadé de l'existence de puissances occultes qui manipulent les hommes. Et en tant qu'ancien cagoulard, il est bien placé pour le savoir. Hein. C'est juste. Ouais. Ouais. Et qui le paie ? Le gouvernement. Ce gouvernement de technocrates qu'il passe son temps à dénoncer ? Oui, il faut croire que Martin rend des services, et puis il n'y a pas que des ministres technocrates. Alors, cette opération-là, En juin 41, Jean Coutroux est retrouvé mort au pied de son immeuble. Suicide, accident, assassinat, toutes les hypothèses sont envisagées. Et laquelle est la bonne, alors ? Coutroux, qui était déprimé depuis la défaite de 40, s'est vraisemblablement suicidé. Quoi qu'il en soit, pour Martin, qui haïssait depuis très longtemps le polytechnicien, cette mort est providentielle, parce qu'il va faire de ce disparu, bien incapable de se défendre, le chef de la synarchie. Ah ben, comment et avec quelle preuve ? Une perquisition au domicile de Coutreau aurait permis de mettre la main sur un ouvrage intitulé « Le pacte synarchique d'Empire », un ouvrage quasi hermétique qui est la bible du mouvement synarchique. Et qui lit-on là dans ce bouquin ? Ça commence par un redoutable avertissement menaçant de terribles sanctions tout possesseur illicite du livre. Ensuite, on y trouve un salmigondi qui emprunte beaucoup aux écrits de Saint-Yves d'Alvèdre. Mais c'est surtout une sorte de manuel révolutionnaire. Une révolution qui ne doit pas avoir lieu dans la rue, mais par le haut. Ouais, les élites toujours. Martin a donc connaissance de l'existence de cet ouvrage ? Mieux, il l'a entre les mains. Comment ? Il n'est pas interdit de penser que ce document a été fabriqué de toutes pièces par Martin ou quelques-uns de ses amis. Après tout, le fameux protocole des sages de Sion, un ouvrage qui a nourri l'antisémitisme pendant une grande partie du XXe siècle, a bien été écrit par la police secrète du Tsar. Oui. Et que fait-il alors de ce fameux document-là ? Martin va le faire parvenir directement au maréchal. Au maréchal. Mais il l'accompagne d'une note où il dénonce les objectifs de la synarchie, fer de lance de la judéo-plutocratie et dévoile le nom de ses principaux animateurs. Ouais. Je n'imagine qu'il doit désigner les ministres techniciens, là, ceux qui détestent. Bien entendu, il ajoute perfidement que tous ces comploteurs qui veulent vider la Révolution nationale de son contenu se réunissent régulièrement dans une popote de la banque Worms. Oui, c'est complet. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas dans le raisonnement de Martin avant-guerre. Enfin, si la synarchie avait une existence réelle, elle marchait de conserve avec la cagoule. C'est ce qu'on a prétendu. Alors, pourquoi aujourd'hui ce divorce ? Parce que les cagouleurs prétendent qu'ils ont été, pardonnez-moi le mot, cocufiés par les synarches. Ah. Et on s'est servi d'eux, ils ont été manipulés. Ouais. Mais à votre avis, Martin, personnellement, croyait-il vraiment à l'existence de la synarchie ? Écoutez, je n'en sais rien. Sa personnalité, son goût du secret, de l'intrigue, le poussait certainement à croire à la réalité de cette société secrète. N'oubliez pas que la lutte contre les sociétés secrètes a été l'une des obsessions de Vichy. Oui. À commencer par les persécutions menées contre les francs-maçons. Mais d'un autre côté, nous l'avons dit au début de ces entretiens, la menace représentée par une pseudo-synarchie peut être bien utile. Et Martin y aura souvent recours pour justifier ses choix politiques. Et Pétain, lui Comment réagit-il lorsqu'il reçoit le document et la note de Martin? Eh bien, il est troublé. Troublé, c'est-à-dire qu'il y croit lui aussi? Je le pense, oui. En tout cas, il est obligé de faire quelque chose parce que la presse de la collaboration informée et guyanée par les cagoulards commence à faire grand bruit autour de cette affaire de la synarchie. Et de plus en plus, on demande au maréchal de sévir contre ces synarques qui ont infiltré le pouvoir. Alors, que va-t-il faire? Un discours. Le plus long discours radiodiffusé qu'il ait jamais prononcé. Et s'il ne prononce pas le mot synarchie, on sent que son propos est bien dirigé contre les synarques. Oui, mais précisément, que dit-il? Il dit en substance que si la révolution nationale ne s'est pas encore traduite dans les faits, c'est qu'entre lui et le peuple se sont dressés les partisans de l'ordre ancien et les serviteurs des trusts. Ça me paraît clair. Mmh. Et il annonce en même temps une série de mesures en faveur des artisans et de la petite industrie. Oui, mais prend-il pour autant des sanctions contre ceux de ses ministres qui sont accusés d'avoir partie liée avec la synarchie? Ah, pas du tout. Au contraire, il renouvelle sa confiance à l'amiral Darlan et à son gouvernement. Ce qui va mettre en fureur le docteur Martin et ses amis cagoulards. Oui. Et ça les conforte dans leur idée que la synarchie est décidément toute puissante et qu'il faut l'abattre le plus rapidement possible. Leurs attaques vont redoubler, toujours plus violentes et parfois nourries de calomnies contre les ministres visés. Mais rien n'y fait, pas même l'accusation de Martin contre la banque Worms qui aurait provoqué la défaite de 40 pour mieux s'emparer des leviers économiques du pays. Mmh. Et face à ces attaques, alors le gouvernement de Vichy laisse faire? Non, le ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheux, l'un des hommes régulièrement dénoncés par Martin et ses amis, finit par se fâcher. Le Bib est arrêté au printemps 42 et interné. Ça lui permettra de retrouver ses adversaires d'avant-guerre, quelques hommes politiques du Front Populaire. Curieux clin d'œil de l'histoire. En effet, oui. Mais le plus intéressant n'est pas là. Cette affaire de la synarchie n'a pas été suivie qu'en France. On veut dire à l'étranger, c'est ça, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. À Londres, bien sûr. Dans les milieux de la France libre, mais aussi aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où l'administration et les services secrets s'interrogent. Et bientôt, tout le monde commence à croire sérieusement à l'existence de cette société secrète. On en reparlera après la guerre, et même beaucoup plus tard, à notre époque. Un journaliste de la presse collaborationniste, Jean Constantini, publie en août 41, après le discours de Pétain, une lettre ouverte à l'adresse de ce dernier. Olivier Dard, dans son ouvrage déjà cité, écrit à ce propos. Constantini met en cause une bande organisée qui a fomenté un complot contre la vie et l'avenir de la patrie et entend révéler tous les détails de cette conspiration aux ramifications juives et aux aboutissants anglais. Menée par la plus fantastique organisation secrète de tous les temps, cette conjuration qui veut faire échec à la politique du maréchal poursuit entre autres buts la mainmise sur l'industrie française, la protection des groupes financiers internationaux, la sauvegarde des intérêts juifs par tous les moyens, dans tous les domaines, ainsi que des intérêts anglo-saxons liés avec les groupes financiers affiliés au mouvement, etc. Aux commandes, on trouverait un homme, Jean Coutreau. Présenté comme un des fondateurs du mouvement synarchique d'Empire, sa mort n'aurait rien de naturel, il aurait été acculé au suicide. Le contenu de ces accusations n'est pas neuf par rapport aux articles précédents. En revanche, ce dossier donne des précisions sur cette société secrète et livre au public, pour étayer ses dires, un document de première importance, le pacte synarchique d'Empire, dont il publie de larges extraits. Pour la première fois, la synarchie est matérialisée. Le livre d'Olivier Dard, La synarchie, mythe du complot permanent, a été publié chez Perrin. Je vous signale aussi la parution récente, également chez Perrin, d'un ouvrage de Bénédicte Vergès-Chaignon, consacré à un autre médecin, Ménétrel, conseiller et intime de Pétain, Ménétrel, en qui on a vu souvent l'éminence grise du maréchal. On y parle, bien sûr, du docteur Martin, de la cagoule et de la synarchie. Enfin, je vous recommande la lecture du livre de Pierre Péan, Le mystérieux docteur Martin, réédité par le livre de poche.